Ne revenez pas ici. Je n'y reviendrai pas. Ne bougez pas d'ici. Je n'en bougerai pas. Ne restez pas ici. Je n'y resterai pas. Ne sortez pas d'ici. Je n'en sortirai pas. Ne partez pas d'ici. Je n'en partirai pas. N'entrez pas ici. Je n'y entrerai pas.